Cartographie des mémoires à Mourinx. Bonjour et bienvenue à Mourinx. Tu te trouves dans la ville où j'ai grandi. Je vais te raconter 5 histoires dans 5 quartiers différents. Pour te guider, tu as peut-être la carte de la promenade avec toi. Sinon, c'est pas grave. Je vais te donner des indications sur le chemin. Là, normalement, tu es arrivé à un rond-point. Parfois, tu vas entendre mes pas. Ça veut dire que tu dois marcher. Et sinon, eh bien, tu peux juste rester sur place. Tu es prêt? Alors on peut commencer. Tu te trouves devant le centre commercial de la place Louis-Anton au quartier Est. À ta gauche, il y a l'épicerie traiteur d'Hélène et Philippe. Et à ta droite, la presse. À côté de la presse, il y a un passage avec quelques marches que tu vas descendre pour te retrouver derrière le centre commercial. Vas-y. Maintenant dans la rue Lagrange, derrière le centre commercial. Et si tout va bien, à ta droite, il y a un sens interdit. Tu le vois? Tu vas aller jusqu'à ce panneau et t'arrêter là. À ta droite, sur les hauteurs, de l'autre côté de la rue, c'est le quartier du Paloumé. Les architectes ont pensé et divisé la ville de Mourinx par classe sociale. Les ouvriers dans les immeubles du centre, les ingénieurs dans des maisons au Paloumé et les directeurs d'usines dans de grandes villas sur les hauteurs. Chaque quartier est délimité par des rues, même si à une époque, certains avaient proposé de grillager le Paloumé pour être sûr que les enfants d'en bas ne se mélangent pas avec ceux d'en haut. Marwan n'a pas connu cette époque, et à vrai dire, ça ne l'intéresse pas vraiment. Marwan vit dans le quartier Est, avec toute sa famille. Il aime les mathématiques et Nadia. Et en ce moment, il se passionne pour la théorie de la percolation. Mais de ça, je t'en parlerai plus tard. Et si on entrait dans le quartier Est? Tu vois à ta gauche, au bout de la rue, il y a des garages alignés, et juste devant un petit rond-point. Eh bien, tu vas aller jusqu'à là-bas. Tu peux commencer à marcher. En 1962, ce sont 400 000 pieds noirs qui débarquent à Marseille au port de la Joliette. La famille Marwan arrive à Mourinx 2 ans plus tard pour s'installer dans une maison aux murs aussi blancs que ceux qu'ils avaient quittés en Algérie. La modernité de la ville nouvelle les a étonnés. Leur nouveau salon avait la taille du 2 pièces cuisine où s'entassaient les 5 frères et sœurs et les parents à Oran. C'est arrivé à la métropole qu'on les a désignés pour la première fois par le terme « pied noir », un terme à connotation plutôt péjorative que le grand-père de Marwan a d'abord rejeté avant de décider de le porter fièrement. En ce moment, Marwan est fasciné par les phénomènes critiques. « Qu'est-ce que c'est ?» te demandes-tu. Un phénomène est dit critique pour caractériser le fait que les propriétés d'un système peuvent changer brusquement en réponse à une variation des conditions extérieures. Dans les conditions critiques, le système hésite entre 2 états différents, il est instable et présente de grandes fluctuations. Pour expliquer ce phénomène à Nadia, Marwan lui parle de sa famille. La condition critique, c'est le départ d'Algérie et les sentiments contraires qui en ont découlé. Dans la famille de Marwan, l'Algérie, c'est la douceur, mais c'est aussi la douleur. Tu es arrivé sur le rond-point devant les garages? Arrête-toi là. Dix, neuf, huit, sept, six. 10 ans. C'est l'âge qu'a Marwan la première fois qu'il a posé des questions sur l'Algérie. Ses copains portugais et espagnols retournaient au pays pour voir la famille pendant les vacances, mais eux, jamais. Et pourquoi on va pas au bled? Parce que pour nous, il n'y a pas de bled. Le bled, il était pourtant partout sur les murs du salon et dans les plats conservés à table. On transmettait la recette du couscous et de la mouna, deux plats qui avaient un goût d'histoire immatérielle, mais on ne transmettait pas la mémoire de la famille. Elle aussi pourtant devait être aussi riche et savoureuse. 8 ans, c'est le nombre d'années qui sont passées pour que l'Algérie commence à s'infiltrer entre les digues du cœur du grand-père et commence à s'écouler aux oreilles de Marouane. Pour cela, il a fallu qu'un autre phénomène critique apparaisse, Alzheimer. Ça a commencé un samedi après-midi, alors que Marouane rentrait pour le week-end. Sais-tu ce que ça fait de porter une blessure qui ne guérit jamais ? Et l'Algérie est revenue dans sa famille comme un boomerang. Percolation vient du latin percolare, couler à travers. C'est un phénomène critique. La percolation est la capacité pour un fluide de traverser un tas ou un système chaotique. On va continuer à marcher. Si tu te places face au garage, tu vas aller dans la rue à gauche. Que deviennent les souvenirs quand ils sont chassés des lieux où ils sont enracinés ? Quand le temps efface des images et raye des lieux sur une carte ? Au début, c'était les souvenirs d'enfance du grand-père qui ressurgissaient. Des souvenirs qui étaient ancrés en Algérie. C'était comme si la mémoire parlait malgré elle. Marouane, lui, grattait et questionnait les souvenirs de son grand-père. Il avait besoin d'aller chercher des réponses, de regarder à travers les brèches, de découvrir ce qui avait poussé son grand-père à ériger des murs autour du mot Algérie. Marouane écoutait ses histoires d'enfance et c'était comme s'il avait le mal du pays. Des paysages qui s'emparaient de lui et le faisaient songer avec tristesse à un foyer qu'il aurait quitté il y a des générations. Il y avait eu une vie de l'autre côté de la mer. Il avait fallu arrêter d'y penser. En écoutant son grand-père, il comprenait qu'en réalité, des fragments de l'Algérie n'avaient jamais cessé de surgir. À travers les fleurs et la coriandre qu'on plantait dans le jardin, à travers l'odeur des épices qui s'échappaient de la fenêtre des cuisines, et de ces toubib, kawa, lascar, baraka qui s'infiltraient sans arrêt dans les conversations. Parler à son petit-fils, c'était une sorte de contre-la-montre pour le grand-père. Parler de l'Algérie, c'était essayer de colmater la blessure silencieuse que la guerre avait infligée à sa famille. On va vérifier si tu es sur le bon chemin. Normalement, à ta droite, il y a une rue qui descend avec d'autres garages. Et presque en face de toi, légèrement à ta gauche, il y a une plaque avec les numéros 30, 32, 34. Tu vas suivre cette direction. Et si tu tournes un peu la tête à droite, il y a une maison protégée avec une palissade en bois. Et tu vas aller par là. C'est le numéro de la chambre à l'EHPAD des pionniers où Marouane allait voir son grand-père chaque semaine. Tourne à gauche. Normalement, en face de toi, il y a une maison avec des tuyas. C'est le numéro 26. Thank you. passé, notre passé, n'est pas seulement la somme des divers événements survenus depuis notre naissance. Il comprend aussi des événements survenus bien avant, qui concernent nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. La façon dont ils ont été vécus nous affecte encore aujourd'hui, depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. Si t'es arrivé à la maison, t'as pas le choix. Va à droite et arrête-toi juste face au mur. Écouter pour Marwan, c'était aussi faire savoir à son grand-père qu'il s'intéressait à son histoire. Arrivé en France, certains voulaient faire table rase du passé, mettre tout sous le tapis et construire des murs autour du mot Algérie. C'était sans compter sur la théorie de la percolation. Quand il commence à couler, les souvenirs s'infiltrent et transparaissent sur les façades des murs et des hommes. Même si on essaie de les effacer, de les gommer, quand on regarde attentivement les traces d'infiltration, elles sont toujours là, mais jamais complètement noires. Elles contiennent aussi des nuances de couleurs, et c'est à ces couleurs que Marwan essaie de se raccrocher dans l'histoire de son grand-père. Tu vas descendre les marches à droite et aller à gauche. Et attention, te fais pas surprendre parce qu'ici, il y a un chien qui aboie tout le temps. Tu vas voir, il protège vraiment bien sa maison. Et tu vas te retrouver de nouveau devant des garages. Marwan espère ne jamais avoir à choisir entre le cœur et la raison, ne pas être forcé de sacrifier l'un au profit de l'autre. 57, 59, 58, 58 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à Marwan pour se rendre à l'EHPAD avant de voir son grand-père fermer les yeux pour une dernière fois. Qu'est-ce que cela signifie que d'aimer quelqu'un et qu'est-ce que cela signifie d'aimer un endroit ? Nous naissons liés à des gens et à des lieux. Nous naissons avec la capacité de créer de nouveaux liens et de les entretenir. C'est ce que sa famille avait fait à son arrivée à Mourinx, s'intégrer, aimer cette ville qui lui offrait un nouveau départ. Où se trouve la différence entre aimer une personne et un endroit ? Le grand-père de Marwan était l'Algérie, mais il était aussi Mourinx. Et Marwan croit qu'en lui subsiste aussi un mélange des deux. C'est le temps qu'il va te falloir pour te rendre à ton point de départ. Mais cette fois, tu vas te mettre juste devant le magasin d'Hélène et Philippe.